haine qui la nourrit si profond. Quand la masse se soulève pour aller jusqu'au front, quand les âmes se libèrent laissant place à l'action, que la vieille étincelle brille encore au fond. Je rêve parfois. Qu'il y a eu un avant, elle se dit que la rue est peut-être le remède à cette crise qui nous presse sans jamais régresser. Tu nous laisses juste la peine de quoi.